Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un événement historique oublié et mystérieux, la prise de la Mecque en 1979. Ou comment un groupe d'insurgés fanatiques a réussi à s'emparer du lieu le plus saint de l'islam et à faire trembler le royaume saoudien pendant 17 longues journées. Pour la première fois cette année-là, l'Arabie Saoudite subit une attaque de l'intérieur. Du 20 novembre au 4 décembre 1979, c'est un véritable siège qui s'organise dans le centre spirituel du monde islamique. Calfeutrés dans le gigantesque édifice qu'est la mosquée, les rebelles tiennent en respect une armée désorganisée. Ne pouvant que constater son impuissance, le roi Khaled se tourne alors vers la France. Le pays est dirigé par Valéry Giscard d'Estaing qui propose son aide opérationnelle au royaume en détresse. Comment les forces françaises sont-elles intervenues? Quels réseaux ont été activés? Et comment le fait religieux s'est-il immiscé dans cette crise? Notre invité aujourd'hui, Pierre Conesa, essayiste, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur du livre « Dr Saoud et Mr Jihad », entre autres, paru chez Robert Laffont en 2016, une enquête sur les rouages de la diplomatie de l'Arabie Saoudite. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan. Dieu ne vous demande rien d'impossible. Seul comptera ce que vous avez fait de bien ou de mal. Mardi 20 novembre 1979, la Mecque. Le jour se lève à peine sur la première ville sainte de l'islam, coincée entre la mer Rouge et le vaste désert s'étalant sur toute la péninsule. L'atmosphère aride et sèche enveloppe la ville dans un été permanent. La Mecque, c'est la boussole du monde musulman, le point cardinal vers lequel chaque fidèle dirige sa prière. Ce 20 novembre 1979 est pour les musulmans le premier jour de l'an 1400. Le monde de l'islam vient d'entrer dans le 15e siècle et la date n'a pas été retenue par hasard. Les cérémonies du pèlerinage sont déjà passées depuis presque un mois et la plupart des visiteurs ont regagné leur domicile. Ce matin-là, ils sont encore plus de 50 000 fidèles à s'amasser dans l'enceinte de la grande mosquée pour la prière de l'aube. Disséminé et surtout discret, un groupe d'environ 200 hommes s'apprête à passer à l'action. À 5h20, comme chaque matin, l'imam lance l'appel. Dans la grande cour centrale, parmi les croyants qui s'agenouillent dans le silence et la concentration, un homme au regard sombre se dirige d'un pas décidé vers la petite cabine de l'imam. Il est suivi de près par un complice. Les pas des deux hommes ne troublent pas le calme des lieux. Et pourtant, tout s'enchaîne très vite. L'imam est poussé sans ménagement à terre. Son agresseur a le visage englouti par une épaisse barbe noire. Agité et impatient, l'homme s'empare alors du micro. Je m'appelle Juhayman al-Otaibi. Voici Mohamed al-Katani. C'est le Mahdi qui vient apporter la justice sur terre. Reconnaissez le Mahdi qui va nettoyer le royaume de la corruption. En un instant, les renégats extirpent de leur djellaba des fusils d'assaut. Ils prennent position, des coups de feu claquent. Quelques gardes s'écroulent, le sang coule. Autour, les fidèles sont incrédules. Introduire une arme dans un lieu sacré est un péché mortel. Au micro, le chef des rebelles, Al-Otaibi, poursuit ses imprécations. Son prêche dénonce pêle-mêle l'occidentalisation du pays, la dépravation des mœurs de la famille royale et plus généralement la corruption du régime. Pour Al-Otaibi et ses sbires, il y a quelque chose de pourri dans le royaume. Il a fait un rêve, dit-il, une véritable illumination. Son beau-frère, Mohamed al-Katani, est le Mahdi tant attendu. Selon certaines anciennes croyances musulmanes en effet, le Mahdi est l'ultime prophète descendant de Mahomet revenu sur terre pour mener l'affrontement final entre les forces impies et les croyants authentiques. Les haut-parleurs crachent le son saturé de sa diatribe dans toute la ville. Une longue liste de doléances de près d'une heure. Puis, c'est au tour des habitants de la Mecque de réaliser la gravité de la situation. Dans la confusion, l'imam prisonnier parvient à se libérer. Il se faufile dans un bureau où il donne l'alarme par téléphone. Vers 8 heures, une première jeep de la police arrive sur les lieux. Les forces de l'ordre, non armées, sont abattues sans sommation. Avant de refermer les portes, les assaillants ont décidé de laisser sortir la majeure partie des otages pour qu'ils répandent la nouvelle. Ils visent une contagion rapide, persuadés d'être l'étincelle qui va embraser le pays. Les premières dépêches tombent, confuses, à l'image de celle du correspondant de l'AFP dans la région. À Jeddah, on indique simplement que mardi matin, un groupe armé dont le leader affirme être le nouveau Mehdi, à savoir le nouveau prophète, a pénétré dans la mosquée. Après avoir laissé partir une partie des fidèles qui s'y trouvaient, il a fermé toutes les issues. Plusieurs centaines de personnes seraient prisonnières à l'intérieur de la mosquée. Le roi Khaled est réveillé un peu avant 7 heures. Il aurait dû lui aussi se trouver dans la grande mosquée pour marquer le changement de siècle. Mais ses problèmes cardiaques l'en ont empêché. Son jeune frère, le prince héritier Fahd, lui est à Tunis. On dit de lui qu'il est les yeux et les oreilles du royaume, mais que ce n'est pas un hasard si l'attaque a lieu pendant son absence. Le prince Abdallah, chef de la garde nationale, est absent lui aussi. Il est au Maroc. Le roi dépêche donc à la Mecque deux autres de ses frères. Sultan, ministre de la Défense, et Naïef, ministre de l'Intérieur, pour piloter les opérations. Naïef fait couper toutes les communications téléphoniques et téléx avec l'extérieur. Il craint un complot téléguidé d'étrangers, alors rien ne doit filtrer. À tel point que le prince héritier Fahd ne peut pas joindre les siens à Riyad. Le pays se recroqueville le temps de la crise. La grande mosquée est devenue une forteresse assiégée avec son dédale de couloirs et de pièces en enfilade, de caves et de souterrains truffés de recoins. Lors du journal télévisé du 23 novembre, Régis Faucon analyse une photo aérienne des lieux. En regardant, vous allez le voir, cette extraordinaire photo. La mosquée, vous le voyez, est absolument gigantesque. Elle apparaît comme une véritable ville dans la ville, avec ses innombrables portes, notamment quatre grandes portes ici, ses minarets, sa cour immense ici qui peut recevoir quelque 300 000 pèlerins à la fois et ses 5 kilomètres, entendez bien, ses 5 kilomètres de pourtour avec au centre bien sûr la Kaaba et dans son coin sud-est la fameuse pierre noire vénérée par 700 millions de musulmans. Un trouble immense agite les milliers de fidèles présents. De leur côté, les rebelles retiennent de nombreux otages. Ils ont également posté des tireurs d'élite sur chacun des 7 minarets que compte le site. L'attaque a été planifiée dans ses moindres détails. Les jours précédents, les émeutiers ont rempli à ras-bord quelques cercueils de fruits secs et de munitions. Ils disposent d'un véritable arsenal de guerre et ils connaissent le lieu parfaitement. Le choc est énorme dans le pays et la nouvelle se répand dans tout le monde islamique jusqu'en Occident. Le roi Khaled et ses ministres sont pétrifiés. La rébellion doit être écrasée le plus vite possible. Le pouvoir saoudien est le garant de la sécurité de la grande mosquée. Il s'écroulerait, bien sûr, si l'invasion perdurait. Les services secrets français, eux, ne sont pas surpris. Le directeur du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, Alexandre de Maranche, essaie sans succès depuis plusieurs mois d'alerter le pouvoir saoudien sur les infiltrations d'armes en provenance du Sud-Yémen. De leur côté, les Américains sont aussi très vite au courant et la Maison-Blanche commence à diffuser la nouvelle d'une manœuvre de l'Ayatollah Khomeini, le tout nouveau guide de la République islamique d'Iran, ennemi proclamé des États-Unis, insinue que l'action est signée par l'administration Carter. Malgré plusieurs démentis saoudiens, cette théorie se répand dans le monde musulman. Aucun journaliste étranger n'est sur place pour recouper et vérifier les informations arrivent au compte-gouttes, le plus souvent au conditionnel. On ne sait même pas si l'assaut a pris fin. Le royaume, lui, minimise les faits. À l'aube du deuxième jour de siège, il prétend que la situation est sous contrôle et qu'il s'agit presque d'un non-événement. La réaction des autorités saoudiennes ne s'est pas fait attendre. Les forces de sécurité ont cerné la mosquée de Tunis, où il assiste au sommet de la Ligue arabe. Le prince héritier Fahd a donné l'ordre, je cite, de liquider les hérétiques. Vous l'avez dit, l'assaut a été donné il y a quelques minutes. Les forces saoudiennes ont repris la majeure partie du lieu saint. Quelques mahadistes résisteraient encore dans un étage de l'édifice, mais le cœur du sanctuaire a été dégagé et la plupart des otages auraient été libérés. Il y aurait cependant beaucoup de victimes. Les intérêts divergent au moins autant que les versions des événements. La guerre de l'information est en marche. À la moindre étincelle, le Moyen-Orient risque l'embrasement général. À la mosquée, les snipers rebelles postés sur chaque minaret continuent de faire beaucoup de victimes chez les militaires. La loi coranique interdit, on le rappelle, le port d'armes dans le lieu saint. Toute violence commise est un sacrilège. Alors, les autorités consultent les chefs religieux et leur demandent d'émettre une fatwa, un avis juridique, pour lever l'interdiction. Trois longues journées de négociations sont nécessaires pour parvenir à un accord. Les religieux estiment que l'événement est la conséquence logique de la décadence du royaume. De leur côté, les autorités ne peuvent qu'écouter et accepter les doléances des religieux, mais pas gratuitement, non. En échange, ils demandent un retour strict à la morale islamique. Ils émettront la fatwa tant espérée. Autrement dit, appliquez les revendications du groupe armé et nous vous autoriserons à les liquider. Durant ces trois jours, la garde nationale ne peut pas riposter. Finalement, une solution est trouvée, comme l'explique Jean-Luc Hesse le 25 novembre 1979 sur France Inter. En marge de la crise iranienne, il faut savoir qu'à La Mecque, une partie des assaillants qui avaient pénétré dans la grande mosquée continue de résister à l'armée saoudienne. Il semble bien qu'ils détiennent toujours des otages. Vous savez que le Coran interdit toute violence à l'intérieur du lieu le plus saint de l'islam. C'est pour cette raison que l'armée saoudienne jusqu'à présent se contente de tenir le siège. Mais le roi Khaled aurait obtenu des dirigeants religieux l'autorisation de recourir à la force pour évacuer la mosquée et pour déloger les fanatiques. Désormais, les militaires de la garde nationale peuvent prendre les armes sans crainte d'être répudiés. Cette unité, soumise à une stricte orthodoxie religieuse, constitue la garde zélée et personnelle du pouvoir. Quelques conseillers américains venus d'une base militaire proche sont amenés discrètement en renfort. On pense alors que l'affaire sera vite réglée. Le 26 novembre 1979, un premier assaut est donné. On s'est battu avec acharnement dans les salles de prière, les couloirs, les minarets, autour de l'esplanade de la Kaaba. On s'est battu à l'arme automatique, bien sûr, comme en témoignent les milliers d'impacts sur les colonnes et les murs, mais aussi, probablement, à l'arme lourde. C'est un échec terrible pour la garde nationale. Les forcenés infligent de lourdes pertes aux hommes de l'armée saoudienne, peu enthousiastes, faut bien le dire, à l'idée de s'attaquer au sein des saints de l'islam. 127 d'entre eux sont tués dans les premiers combats. Prêt à tout, le pouvoir riposte. Il exige une action rapide, quitte maintenant à faire de gros dégâts. Alors, il décide d'envoyer l'infanterie et des véhicules blindés. Bien qu'ils aient ordre de ne pas tuer d'otages, les soldats arrosent toutes azimuts dans l'obscurité des galeries. C'est un premier succès. Ils regagnent du terrain. Mais la pagaille continue, à l'image de ces deux unités qui s'entretuent car leurs radios ne sont pas sur la même fréquence. Les rebelles, bien qu'affaiblis, résistent. Armés de cocktails Molotov, ils bombardent les véhicules. C'est l'épisode le plus sanglant du siège, où des dizaines, peut-être des centaines de combattants sont tués. Pendant les journées de samedi et de dimanche, le rez-de-chaussée est progressivement repris aux mutins. Parmi les nombreux morts figure l'audacieux Mohamed Al-Hattani, le fameux Mahdi. Persuadé d'être indestructible, il ramasse chaque grenade découpillée avant qu'elle n'explose pour la renvoyer aux soldats sous les yeux admiratifs de ses partisans. Oui, jusqu'au jour où ce qui devait arriver arrive, une grenade lui explose au visage. Les autorités saoudiennes s'empressent alors de propager la nouvelle dans le monde. C'est rare depuis 15 jours que des informations précises nous parviennent en provenance d'Arabie Saoudite. On savait simplement que les événements de la grande mosquée de la Mecque n'étaient pas complètement terminés. Eh bien, la preuve, on l'a, le Mahdi, autrement dit le Messie, attendu par les fidèles, en tout cas l'homme qui se prenait pour lui, a été tué au cours de l'attaque lancée par les forces armées contre les rebelles qui étaient toujours à l'intérieur dans les sous-sols de la grande mosquée. C'est ce qu'a annoncé officiellement le ministre de l'Intérieur, mais nous n'en savons pas plus. Par exemple, nous ne savons pas si cette fois tout est bien et véritablement terminé. L'assaut n'est pas terminé, mais cette première victoire du pouvoir rassure les princes. Les autorités comprennent toutefois, en examinant les plans, que la libération des sous-sols sera plus difficile encore. C'est un vrai labyrinthe, un réseau tentaculaire de tunnels et de souterrains sur des milliers de mètres carrés. Le 27 novembre, une nouvelle stratégie est mise en place. Enfumer l'ennemi en déversant des citernes entières de gaz lacrymogène. Mais les rebelles s'en accommodent en nouant un tissu sur leur visage. Et parfois, les gaz se retournent contre les soldats, qui ne portent pas de protection. Les galeries souterraines sont plus étroites, la mobilité des chars de l'armée est donc réduite et leur action limitée. Le mercredi 28 novembre, la télévision est enfin autorisée à retransmettre la prière dans la mosquée. Car le pouvoir veut montrer au reste du monde que la rébellion est écrasée. Mais les commentateurs sont sceptiques, à l'image de Patrice Bertin, au micro de France Inter. La situation est toujours aussi confuse à la Mecque. Comme elles le font depuis 4 jours, les autorités saoudiennes affirment avoir maté les rebelles qui avaient envahi la grande mosquée. Mais selon d'autres informations, les combats n'auraient pas cessé. Des combats très violents, puisque l'on parle maintenant de plusieurs centaines de morts. La prise d'otages de la Mecque ressemble de plus en plus à une tentative de coup d'État et de moins en moins à une affaire religieuse. L'armée piétine, les coûteux achats d'armement américains n'ont servi à rien. Les avions de chasse, F-15, flambant neufs de l'armée, ne sont pas adaptés pour déloger les rebelles terrés. Alors, on envisage de faire appel aux Américains, mais le risque est considérable. Les régimes voisins comprendraient que la puissance saoudienne est fragile et un bon nombre de croyants seraient furieux de voir un lieu saint souillé par les infidèles. Une semaine après le début de l'attaque, il semble évident qu'il faut trouver une autre solution. Oh, avant le pétrole, on mourait de faim en Arabie Saoudite. On mourait pas de faim, il y avait très peu de gens. Les habitants du royaume n'étaient pas plus qu'un million. Et puis, ils dépendaient totalement des pèlerins. Et maintenant, ils dépendent totalement des revenus du pétrole. Comme le rappelle cette interview en 1989, l'Arabie Saoudite a totalement changé de visage en seulement quelques décennies. En 1979, elle est dirigée par le roi Khaled. Il est le cinquième des 53 fils du fondateur de la dynastie qui a donné son nom au pays, le légendaire Ibn Saoud. C'est lui qui, à la tête d'un groupe de 40 guerriers, entrepris à dos de chameau la conquête d'un désert de pierre. C'était contre les Turcs en 1901. Saoud avait 21 ans. Le pétrole, ce liquide sombre et visqueux façonné par des millénaires de travail géologique, est prospecté dès 1932. Il gît dans d'énormes poches souterraines à l'est du pays. Son exploitation va accélérer l'histoire du XXe siècle. Alors, ce peuple de bédouins nomades, habitué à vivre depuis des siècles humblement sous le soleil écrasant du désert, se transforme en une puissante monarchie, conservatrice et riche, immensément riche. Elle ne perd pas pour autant ses fondations tribales, où les intérêts de la famille passent toujours avant ceux des individus. En 1945, dans la foulée des accords de Yalta, un pacte est signé entre le président Roosevelt et son homologue Saoud. En échange d'un accès garanti au pétrole saoudien, les États-Unis s'engagent à assurer la protection militaire du royaume. Petit à petit, l'Arabie Saoudite étend son pouvoir sur la région puis sur le monde. En 1979, le roi Khaled représente 453 millions de tonnes de pétrole par an, premier exportateur mondial. De fait, l'affaire de la Mecque n'est pas que religieuse, on l'aura compris, elle est aussi profondément politique, comme l'exprimera rétrospectivement Bruno Albin au micro d'Antenne 2. Les autorités saoudiennes n'ont vu dans ces événements, les premiers du genre à la Mecque, qu'un sacrilège. Mais bien sûr, à travers cette affaire, c'est tout le pouvoir politique qui était visé. Si l'Arabie Saoudite est le gardien des lieux saints islamiques dans le monde, si l'Arabie Saoudite accueille chaque année des millions de pèlerins, symbole de la force de la foi et du renouveau religieux, l'Arabie Saoudite est aussi et surtout le premier producteur de pétrole dans le monde. Sa stabilité intérieure repose sur l'ordre religieux, mais de sa stabilité intérieure dépend aussi la stabilité du monde occidental. L'Occident a tout intérêt à ce que la crise soit rapidement réglée. Les Saoudiens le savent. Beaucoup de pays sont prêts à les aider. Le prince Turki, chef des services spéciaux, cultive l'amitié d'Alexandre de Marange, son homologue français. Il voudrait une discrète expertise française. Marange transmet donc au président Giscard d'Estaing, qui propose officiellement une offre de service au roi Khaled. Elle est immédiatement acceptée. Le 28 novembre 1979, le président français convoque à l'Élysée Yvon Bourges, ministre de la Défense, et le général Navro, chef de la mission de coopération militaire française à Riyad. Marange est tenu à l'écart. Il aurait ouvertement critiqué Giscard, qui lui reproche, lui, son manque de loyauté. Les services secrets sont donc hors jeu. Et la discussion se focalise alors sur le très secret GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Créé au lendemain de la prise d'otage de Munich en 72, ce groupe de gaillards dispose déjà en 79 d'une réputation solide. Des coups d'éclat qui n'ont pas échappé au prince saoudien. Le prince Taïef lui-même s'est rendu en France quelques mois avant les événements de la Mecque. Il a assisté à une manœuvre spectaculaire d'action commando qui lui a fait forte impression. Le capitaine du GIGN, Christian Proutot, est informé par Giscard de sa mission. Son lieutenant Paul Baril commandera une équipe réduite, lui plus deux hommes, Ignace Vodecki et Christian Lambert, spécialistes en explosifs. Les Français ont très peu d'informations sur la situation. Cependant, ils pensent que la mission peut être un bon moyen de tester en conditions réelles le disperseur CB, un nouveau gaz hautement toxique. Le 29 novembre 1979, les trois hommes s'envolent donc pour Riyad. Le lendemain, ils se rendent dans un centre d'entraînement où les attend une vingtaine de gradés de la garde nationale qui semblent sceptiques. Le JEGN doit gagner leur confiance, ou alors ce sera le fiasco. La suite, c'est Christian Proutot qui le raconte dans son livre consacré au JEGN, intitulé « Nous étions les premiers », écrit avec Jean-Luc Riva. Persuadé qu'une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours, Baril profite d'un court moment où l'attention des Saoudiens est captée par les paroles de l'officier interprète pour asperger les cadres de la garde nationale à grands coups de disperseurs CB. Il provoque aussitôt une panique générale vers la sortie à grand renfort de larmes et d'éternuements. Alors qu'il faisait encore montre d'indifférence quelques minutes plus tôt, les Saoudiens deviennent attentifs. Le dialogue qui s'engage ensuite va permettre aux trois hommes de reconstituer la topographie précise des lieux et de déterminer le nombre d'assiégés, leur position et leur équipement. On décide d'équiper les hommes qui vont intervenir de gilets pare-balles, autant pour les protéger que pour les distinguer des mutins et éviter toute confusion. Le 3 décembre 1979, l'entraînement débute. Toute la journée consacrée à la formation des Saoudiens au tir en atmosphère viciée. Depuis Paris, Proutot appelle Baril. Tous les deux mettent au point une tactique sommaire et redoutable. Une équipe fera diversion en reproduisant un assaut frontal classique, alors que deux groupes commandos équipés de disperseurs CB prendront les renégats en tenaille dans les sous-sols. Pas ou peu de contact direct, les insurgés sortiront d'eux-mêmes. Le soir venu, militaires français et saoudiens se serrent la main. Ils ne se reverront plus. Les Français sont emmenés sans plus d'explications à Riyad. Là, ils sont tenus au secret dans leur chambre d'hôtel. Conscients que leur présence est désormais gênante et leur rôle embarrassant pour le pouvoir, ils se relaient pour monter la garde. Et à Paris, Proutot s'inquiète. Il est sans nouvelles. Finalement, ces hommes sont accompagnés à l'aéroport et prennent une ligne civile direction Paris. Le 4 décembre 1979, après 18 heures d'assaut et 17 jours de siège, les deux commandos ressortent des sous-sols avec les rebelles survivants. Asphyxiés par le gaz CB, 63 d'entre eux ont été capturés. Ils sont en piteux état. L'opération est un succès. Le journaliste Christian Bousquet décrit les premières images de Joaïman al-Otaïbi et des siens alors qu'ils viennent à peine d'être capturés. Une tête inquiétante, c'est l'un des chefs rebelles, le bras droit même de celui qui s'était présenté comme étant le messie attendu et qui dirigeait l'attaque contre la grande mosquée. Ce dernier ayant trouvé la mort dans les combats, les autorités saoudiennes comptent donc sur son lieutenant pour découvrir les buts que s'étaient fixés ces hommes qui ont attaqué le lieu le plus saint de l'islam. L'interrogatoire des autres prisonniers devrait aussi leur permettre de savoir la nationalité exacte de tous les rebelles. On sait pour l'instant que la plupart d'entre eux sont saoudiens, mais qu'il y avait aussi des Égyptiens, des Yéménites, des Marocains, des Pakistanais et des Koweïtis. À la télé, les renégats sont exhibés au monde par les autorités. Ils semblent presque soulagés d'en avoir fini. Ils sont sales et prostrés à bout de force. Présenté alors comme le bras droit, al-Otaïbi est bel et bien la tête pensante du groupe. Il a 43 ans. Élevé dans une haine féroce de la famille royale, il suit dès 1973 les enseignements du prêtre aveugle Ben Baz, critique virulent de la modernisation du royaume. Ce Ben Baz joue en 79 un autre rôle dans cette affaire. Il fait partie des religieux qui négocient la fameuse fatwa sur le port d'armes à la Mecque. Autour d'al-Otaïbi, un conglomérat international de destins croisés se constitue, uni par le dégoût de la monarchie. Leur plan pour renverser le pouvoir était simple, reprendre le premier des lieux saints. Mercredi 9 janvier 1980, 63 sabres s'abattent simultanément sur 63 nuques, celles des preneurs d'otages. Ces décapitations publiques spectaculaires permettent au pouvoir de réaffirmer sa force et son intransigeance. La faiblesse du régime et l'incompétence de l'armée ont été mises à nu. Des sanctions sont prises et par la suite un silence de plomb est imposé sur l'événement. Selon les livres d'histoire saoudiens, il n'a jamais eu lieu. Pour la France, l'intervention a aussi des conséquences. Giscard n'a pas proposé ses services sans arrière-pensée. Le pays a besoin de pétrole et il aurait tout à perdre si la région était déstabilisée. Et surtout, les industriels français de l'armement tentent d'investir le marché lucratif saoudien et l'opération de la Mecque peut aussi être vue comme une belle démonstration du savoir-faire à la française. Ironiquement, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui va récolter les fruits de l'assistance française, non. C'est son successeur, François Mitterrand. En 1983, les caisses de l'État sont presque vides. Le président socialiste négocie un prêt avec l'Arabie Saoudite de 25 milliards de dollars. Nom de code de l'opération, Joséphine. Paul Baril raconte à un journaliste. Je venais d'entendre parler de ce prêt saoudien quand François de Grossouvre m'a dit « Mon petit Paul, tu sais pourquoi les Saoudiens nous prêtent les 25 milliards ?» Je répondis que je ne voyais pas et il me dit « Mais c'est à cause de toi, mon petit Paul, pour ce que tu as fait à la Mecque. » Il ne s'agit pas d'un prêt classique, mais d'un prêt monétaire privé. Pourquoi ? Eh bien parce que la France, déjà très endettée, ne veut pas apparaître aux yeux du FMI comme un pays mal géré. Mais cette clandestinité a un prix. Il faut arroser grassement les divers intermédiaires. Le pouvoir saoudien prête officiellement à 8%, or les remboursements sont à 9,53%. La différence ? Eh bien elle va directement dans la poche de ces fameux médiateurs. Le scandale éclate finalement dans la presse en 1994. Il a des effets désastreux sur la gauche au pouvoir et les relations se troublent entre Paris et Riyad. En 2007, l'affaire connaît un dernier rebondissement. Le journaliste Yaroslav Trofimov écrit dans son livre « The Siege of Mecca » que les trois gendarmes français se sont bel et bien rendus à la Mecque. Conformément à la loi, ils se sont même convertis à l'islam lors d'une rapide cérémonie. Selon Trofimov, Paul Baril lui a confié être allé en personne à la grande mosquée pour préparer l'assaut. Aujourd'hui encore, autour de cette question, le mystère demeure. À l'aube des années 80, le monde est encore coupé en deux. Bientôt, l'Empire soviétique se manifeste. Le jour de Noël 1979, les chars de l'armée rouge envahissent l'Afghanistan. Cette guerre va façonner le mouvement islamiste, lui donner sa raison de vivre et d'agir, et il devient puissant. Dans une dialectique simpliste, genre les moudjahidines sont les ennemis de nos ennemis, l'Occident tout entier soutient les révoltes fondamentalistes. Ensuite, après la chute du mur, le vent de l'histoire tourne, mais pas dans le sens qu'on avait envisagé. Pour voir, essayer de faire la prospective, il faut toujours avoir ce contexte géopolitique global de la région en tête. Il est certain que la détente entre les États-Unis et la Russie vont peut-être changer des choses à terme, si elle devait se confirmer, et que peut-être l'intégrisme islamique pourra moins bien prospérer que dans le temps, dans la mesure où l'intégrisme islamique est avant tout un cheval de bataille contre l'influence soviétique. Or, le 11 septembre 2001, deux avions se précipitent dans les tours jumelles du World Trade Center. Parmi les 19 pirates de l'air, 15 sont saoudiens. Pourtant, l'Arabie saoudite n'est pas inquiétée. Et un autre saoudien se terre dans les montagnes d'Afghanistan, un certain Oussama Ben Laden, héritier d'une grande famille proche du pouvoir qui a construit sa fortune dans le bâtiment, notamment grâce à la rénovation de la Mecque. 11 septembre 2001, le jour où notre monde a basculé. Bon baiser d'Islamabad, Bollywood. Hit parade, télégramme d'Asie, CIA easy, murmures atomiques, prêts au choc, soirée chic, policeman, Sherazade, cieux safran, yeux de jade, bon baiser d'Islamabad, cardamone, craven air. Pétrole et limonade, opium, cricket, Rolls-Royce, lazuli, princesse saoudienne, robe longue et rubis, soirées américaines. We'll be right back. Islamabad, vin d'orange, méthanol, rose pourpre et grenade, marché noir, folles idoles, crépuscules immolés, vétiver, jasmin, groupuscules armés, G.I. Joe's en chemin. Bon baiser d'Islamabad, mystique karaoke, Freedom Fries et Jihad, Dieu s'achète et se troque, et le ciel anthracite est un orgue silencieux où dansent les satellites. God bless you, gloire à Dieu. Bon baiser d'Islamabad. Vous écoutez France Inter, Affaires sensibles, prise de la Mecque en 1979. Notre invité Pierre Conesa, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, fin connaisseur du Moyen-Orient et plus spécifiquement de l'Arabie Saoudite. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Et vous êtes notamment l'auteur de La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, paru chez Robert Laffont en 2011. Et plus récemment de Dr Saoud et Mr Jihad, La diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, toujours chez Robert Laffont. Ça c'était en 2016 et cette année vous publiez Hollywood. Autrement dit, Hollywood, arme de propagande massive. Dans votre livre consacré à l'Arabie Saoudite, vous parlez de polytraumatisme pour cette année 1979. En quoi est-ce une année si particulière et pour le Proche-Orient une annus horribilis, hein, comme le dirait la reine d'Angleterre? Oui, je crois que l'année 79 est un séisme au Moyen-Orient pour beaucoup de raisons. D'abord parce que en février, il va y avoir la révolution islamique à Téhéran. Bien sûr. Et les dimensions de cette révolution islamique, on n'en mesure véritablement l'effet que parce qu'il faut repenser que le Shah d'Iran était le grand frère, si vous voulez, dans la région. Personne ne contestait sa suprématie. Par contre, quand vous avez un personnage comme Khomeini qui va instrumentaliser le chiisme pour dire l'islam révolutionnaire, c'est nous, là, ça devient un traumatisme pour l'Arabie Saoudite. Le deuxième épisode, c'est celui que vous avez raconté par le détail, c'est l'occupation de la Grande Mosquée. Et puis, le troisième épisode, qui va d'ailleurs, dans une certaine mesure, aider l'Arabie Saoudite à se sortir de ce dilemme, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. C'est-à-dire qu'en trois ans, bon, je laisse de côté le fait qu'ensuite, vous allez avoir la guerre Iran-Irak et tous ces événements qui vont très, très profondément marquer le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, la stratégie internationale. On est dans une époque où l'Est-Ouest domine toute la pensée stratégique, qui n'a jamais caractérisée par sa nuance. Et donc, si l'Arabie Saoudite est religieuse et anticommuniste, c'est donc un allié. Voilà. Et donc, vous avez la problématique. Il faut sauver le régime saoudien. Alors, on va écouter une archive qui illustre assez bien la tension qui existe en Arabie Saoudite entre le conservatisme et la modernité, mais aussi sur le pouvoir. Attention sur le pouvoir des chefs religieux. Écoutez. Le téléphone, c'est Ibn Saoud, le fondateur du royaume, qu'il a lui-même imposé au début de son royaume. D'une manière très simple, les oulémas, c'est-à-dire les savants religieux, les docteurs de la foi, qui sont quand même assez conservateurs partout dans le monde, mais en particulier en Arabie Saoudite, ils voyaient un instrument diabolique, la main de Satan. Alors, il a fait poser une ligne par les ingénieurs des télécoms qui venaient vendre leurs produits, et à un bout du téléphone, il a fait placer un shir, un imam qui lisait le Coran, et à l'autre bout, les oulémas. Ils se sont passés l'écouteur les uns après les autres. Et quand ça a été terminé, il leur a dit « Alors, messieurs, qu'est-ce que vous entendez ?» Ils disent « On entend les sourates du Coran, la parole de Dieu. » Et le roi leur a dit « Mais comment voulez-vous qu'un instrument satanique, un instrument inventé par le diable, puisse véhiculer la parole de Dieu ?» C'est comme ça que le téléphone a fait son apparition en Arabie Saoudite. Alors, on a passé cette archive qui montre la dichotomie entre tradition et modernité en Arabie Saoudite parce que, peut-être, est-ce que cet épisode qu'on vient de raconter de la prise de la Mecque, elle montre ça aussi? Est-ce que ceux qui veulent prendre la Mecque refusent la modernisation du pays? Je dis pas la démocratisation, parce que c'est pas le cas, on y reviendra, mais la modernisation. Oui, tout à fait. Si vous voulez, il y a une étape préalable qu'il faut rappeler, c'est 73, hein, c'est-à-dire que le doublement des prix du pétrole va tout à coup enrichir considérablement dans l'Arabie Saoudite, qui va déborder d'argent et qui va donc procéder à une modernisation accélérée. Et cette modernisation accélérée, le pouvoir s'en méfie d'ailleurs, puisque le slogan de l'époque, c'était la modernisation sans le changement. Oui, or, la modernisation, c'était visiblement avec le changement, en tout cas par rapport à ce que tous les radicaux qui continuent à être formés dans les universités saoudiennes continuent à considérer comme une perversion, si vous voulez, de la vie quotidienne. Il faut que simplement se penser que, si vous voulez, on s'est très peu intéressé à la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, qui, dans ses débuts, n'a pas été anti-soviétique, elle a été anti-nassérienne. Et comme nous, vous savez, on pensait que Nasser était un suppôt de Moscou, bien sûr, on a eu cette intelligence stratégique de préférer Ibn Saoud, de préférer les Saouds à Nasser. Bon. Et donc cette diplomatie religieuse a d'abord été tournée contre le socialisme arabe, contre ce qui représentait en fait la véritable modernité. Et puis ensuite, 73, donc cet enrichissement, et là alors on a une diplomatie religieuse qui, en termes de moyens, va gagner énormément d'argent. C'est une manière de faire tranquille les élites religieuses. Cela dit, quand vous avez formé des jeunes à qui on a appris que tout ça, ça n'était pas l'islam, se passe ce genre de phénomène, c'est-à-dire que tous les étudiants qui sont là, qui vont faire cette prise de la Mecque, sont des étudiants de Inbaz, à qui on va demander justement de trouver une bonne raison théologique pour permettre d'utiliser les armes. Un petit retour en arrière quand même, je vous signale que toutes les prises de la Mecque se sont toutes prises par les armes, hein, à commencer par le prophète quand même. Et puis ensuite, les Ottomans, puis ensuite la façon dont les Saouds chassent le shérif de la Mecque qui était le descendant légitime de la famille, de la tribu du prophète, etc. Bon, donc il y a une certaine hypocrisie à dire, pas de violence à la Mecque, c'est un blasphème. Hein, quand il faut dire c'est du jésuitisme, si vous devez utiliser un terme folie. Et donc, on est dans cette situation où, effectivement, vous avez cette réaction de conservatisme religieux, qui très profondément considère que le régime est corrompu. Alors ce qui est très intéressant, c'est le processus théologique par lequel justement ces oulémas qui vont discuter pendant 3 jours vont trouver une bonne raison de justifier l'emploi de la violence. Et ils disent effectivement, le prophète a dit que le Coran dit que le Mahdi doit revenir et donc venir combattre les régimes impies et la corruption. Mais le régime saoudien n'est ni impie ni corrompu, donc effectivement, ce n'est pas le Messie. Donc on peut y aller. Voilà. Donc en gros, c'était ça le mécanique. Je vous la fais bref, si vous voulez. Oui, c'est clair. Mais c'est bien, c'est clair. Plein de citations en cours de route. Et donc, en fait, vous avez le véritable problème de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que les deux jambes de ce régime, les deux piliers de ce régime, qui sont la dynastie des Saouds et les Al-Chers, c'est-à-dire les descendants d'Abdel Wahhab, et toute cette hiérarchie religieuse, se tiennent mutuellement. Et chacun des deux sait qu'il a besoin de l'autre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que, si vous voulez, la dynastie des Saouds, pour sauver sa tête, va appeler les Américains en 91, etc., à chaque fois, ils obtiendront le soutien de la hiérarchie religieuse, avec critique, hein, je ne sais pas. Mais à chaque fois, si vous voulez, chacun sait qu'il tient l'autre par la barbichette. Est-ce que, alors, la comparaison est aventureuse, donc j'y vais très prudemment. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'ennemi absolu, qui est l'Iran, où on a un pouvoir civil, on a un pouvoir religieux, manifestement c'est le pouvoir religieux qui a le vrai pouvoir, le pouvoir civil en a là aussi un peu, il se tient aussi par la barbichette comme vous dites. Est-ce que c'est la même façon de fonctionner? C'est pas tout à fait pareil, y compris sur le plan religieux. Ce qui caractérise la hiérarchie chiite en Iran, c'est qu'à niveau religieux égal, donc labellisé par le fait que vous êtes ayatollah, ayatollah l'islam, etc., on considère que vous avez le même niveau de connaissance du Coran, donc vous pouvez avoir des opinions différentes de votre collègue. Et on a eu, pendant toute la révolution iranienne, justement, un certain nombre de mollahs qui se sont opposés à Khomeini, et chacun disant, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut conclure, etc. Et de fait, il s'est installé en Iran quelque chose qui est totalement inadmissible en Arabie Saoudite, c'est-à-dire un parlement, c'est-à-dire des partis politiques, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui sont tous enfermées, si vous voulez, sous la tutelle du guide de la révolution, mais avec une forme de démocratie qui est totalement inimaginable de l'autre côté du Golfe Persique. En plus, il y a une république d'un côté, un royaume de l'autre, en plus. En plus, voilà. Et puis évidemment, comme par contre Khomeini, en reprenant le flambeau de l'islam révolutionnaire, va tout de suite commencer à dire le petit Satan, le grand Satan, Israël, etc. etc. Donc il entre, si vous voulez, dans le jeu de la guerre froide. Et donc il va devenir, si vous voulez, l'ennemi lui aussi, sans jamais s'allier sur Moscou d'ailleurs, ce qui pose un problème aux stratèges, parce qu'on ne sait pas comment le penser. Quoi. C'est le grand rival. Alors d'un côté des Arabes, de l'autre des Perses, une rivalité multiséculaire, ça existe encore, ça, aujourd'hui, il y a toujours cette ligne de fracture historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cette fracture existe d'autant plus que, si vous voulez, au XVIe siècle, c'est à ce moment-là que l'Iran devient chiite. Oui. Il y a eu des dynasties chiites arabes, hein, puisque les Fatimides, par exemple, en Égypte, étaient une dynastie arabe chiite. Mais par contre, l'Iran va marquer sa différence à la fois culturelle et religieuse en se proclamant royaume chiite. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout l'arrière-fond qui ressort, c'est-à-dire les Iraniens considèrent que les Arabes sont des bédouins qui sont tout juste sortis du désert. Par contre, les Iraniens se considèrent comme eux les héritiers de tout l'Empire perse, de 3000 ans d'histoire, etc. Et donc cette différence-là est une différence qui est assez insupportable quand on est d'un côté et l'autre du Golfe, si vous voulez, parce qu'évidemment, on se considère chacun des deux soit comme des impies quand les sunnites parlent des chiites, soit comme des bédouins pour ce qui parle quand les Iraniens parlent des Saoudiens. Mais en plus, Khomeini a une idée géniale, c'est qu'il dit mais les lieux saints ne devraient pas être gérés par la famille saoude, ils devraient être gérés par un agrégat représentant toutes les tendances de l'islam. Tout l'islam, bien sûr. Oui, tout l'islam. Et alors évidemment là, c'est la guerre absolue parce que vraiment dire aux Saoudes qu'ils ne devraient plus maîtriser les lieux saints, c'était il pouvait pas y avoir pire invectif, voilà. Donc on est dans quelque chose qui est assez profondément existant, si vous voulez, culturellement. Et aujourd'hui, ben, je crois qu'il faut bien reconnaître qu'on est dans une guerre de religion à l'intérieur de l'islam entre sunnites et chiites, parce que si vous regardez le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, même le Nigeria et Bahreïn, vous avez une querelle sunnite-chiite. Vous avez une guerre, même une sunnite-chiite. Et vous avez au Pakistan, qui est le deuxième pays pour le nombre d'attentats sur le territoire dans l'année, selon les statistiques américaines, est un pays dans lequel les attentats se font entre communautés. Oui. C'est pas contre les chrétiens seulement, c'est entre sunnites et chiites, et puis pareil en Irak, pareil. Et les premières victimes de Daesh sont des musulmans. Alors, non seulement les premières victimes de Daesh, mais les victimes du terrorisme sont 90% de musulmans. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre de religion. Bien sûr. Ce qui évidemment pose une question politique importante, c'est doit-on se mêler? Doit-on s'en mêler? Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on explique qu'on est le pays de la démocratie, pays des droits de l'homme, etc., etc. C'est pas juste suffisant. On reste les croisés. Et d'ailleurs, rappelez-vous que, à l'époque où George Bush déclenche la guerre en Irak, et en fait, il parle lui-même de croisade, puis il se reprend assez vite. Bien sûr, devient mal. On se rend pas compte de la polysémie des termes, parce que quand les musulmans parlent de djihad, ils parlent de discipline personnelle et de rectitude personnelle. Nous, on pense guerre religieuse. Quand nous, on parle de croisade, on parle d'amélioration et de poussée bénéfique. Et en fait, eux, ils pensent invasion, ce qui est le cas. Donc, en vrai, on utilise des termes dont on ne se rend pas compte de la connotation chez les autres. Alors, on va très bien revenir sur l'Arabie Saoudite, son évolution, et l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Est-ce qu'on envisage sérieusement, en Arabie Saoudite, l'après-pétrole? Car ce sera comme l'un des tout premiers pays touchés par l'après-pétrole, si tant est qu'il existe et qu'on le voit un jour. On peut toujours l'envisager. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est comment créer une culture du travail en Arabie Saoudite. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand vous avez des générations qui ont été rentières, c'est-à-dire des générations dans lesquelles l'eau, l'électricité, le gaz étaient gratuits, le fait que les enfants pouvaient faire des études, voire à l'étranger, etc., sans rien payer, comment voulez-vous convaincre, si vous voulez, une masse de population? Oui, en plus, évidemment, il faut ajouter le fait que tous les travailleurs immigrés sont là pour faire ça, si vous voulez, y compris dans l'armée. Comment voulez-vous convaincre toute une population que le défi de la pétrole, c'est de se mettre au boulot? C'est pas évident, hein. C'est vrai dans tous les pays du Golfe. J'imagine. En plus, excusez-moi, je vous donne un détail parce que je le dis pour nos cabinets d'expertise. Tous les pays du Golfe se sont fait vendre le même plan Vision 2030 ou 2025 dans lequel ils vont leur promettre qu'ils vont avoir des pôles technologiques dans lesquels il y aura les technologies d'information, les biotechnologies, etc., etc. Donc, on aurait pu le faire, ça, c'était possible. Alors, où va l'Arabie Saoudite? Parce que on a cru voir des signes de modernité, c'est plus que la modernisation du dirigeant actuel, et puis on part à travers des mesures à la fois symboliques et réelles, et on se dit que la tradition reste toujours très forte. Où en est l'Arabie Saoudite aujourd'hui? D'un point de vue de sa culture, de sa gouvernance, quel chemin elle prend? On verra sur le terrain diplomatique après. Votre question est extrêmement délicate parce qu'effectivement, on a eu d'abord un processus dynastique accéléré puisque Mohammed Ben Salman a réussi à évincer tous ses cousins, enfin tous les prétendants au trône, et donc il est aujourd'hui le prince héritier en titre. Bon. Cet homme a une belle gueule, il passe bien dans les médias, enfin en tout cas, il a une très bonne ligne de communication et des boîtes de relations publiques, donc les quatre plus grosses françaises. Et donc tout le monde a cru qu'à partir du moment où il décidait que les femmes allaient le droit de conduire, on entrait dans un processus de démocratisation. Exactement. Le jour où Kim Jong-un décidera d'ouvrir un McDonald's, c'est que la démocratie aura progressé en Corée du Nord. Et en fait, on s'est pas rendu compte que immédiatement après, le coup de bâton est revenu. Sur des féministes qui demandaient simplement les mêmes choses, mais un peu plus accélérées. Sur des manifestants qui avaient le tort d'être chiites et qui sont donc, il y a eu 5 demandes par le procureur royal de condamnation à mort de manifestants qui n'avaient aucune violence. Le pauvre Raif Badawi, qui a eu le tort de dire qu'il demandait un peu plus de démocratie, etc., a été condamné à 10 ans de prison et 1000 000 coups de fouet pour insulte à l'islam. Donc je veux dire, c'est ça le fond du régime. On peut avoir Mohamed Ben Salman, effectivement, qui se montre dans les journaux. Enfin, Mohamed Ben Salman reste fondamentalement un prince. Vous savez, il s'est payé le plus grand château qu'il a totalement racheté à un ancien homme d'affaires russe, non, saoudien, à Louvain, qui est un château extraordinaire, tout à l'imitation de Versailles, mais tout construit récent. Bon. Il a acheté un yacht qui vaut 500 millions de dollars, qui lui a été racheté à un magnat russe. Et puis, je me souviens plus, il est en train de se faire construire un truc dans le désert par un décorateur français extrêmement connu. Mais si vous voulez, c'est l'homme qui fait ça alors qu'on a réduit de 70% le budget qui, justement, construisait l'économie rentière. Mmh. Donc, qui peut répondre sur l'état aujourd'hui de l'opinion publique saoudienne par rapport à ça? Parce que les choses se savent. Si vous voulez, il suffit d'accéder à Internet pour se rendre compte que ce magnifique château, qui a 5000 mètres carrés de surface habitable, ça doit être très bien. Donc ça veut dire que les motivations de ceux qui avaient pris la Mecque, elles sont encore valables aujourd'hui, finalement. Mais de toute façon, ces motivations, non seulement elles sont toujours valables aujourd'hui, mais se sont transférées dans le salafisme djihadiste qui a commis des attentats en Arabie Saoudite. Parce que la légitimité du régime, enfin de la dynastie des Saouds, n'est pas plus solide aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Les Saouds ne sont absolument pas liés à la dynastie du prophète, à la tribu du prophète. Donc ils ont ce manque de légitimité qu'avait, par exemple, le shérif de la Mecque, vous savez, le personnage de Laurence d'Arabie. Oui. Et donc, eux, ils avaient cette légitimité familiale. Et donc, on est aujourd'hui dans un système où, effectivement, seule, soit la garde nationale avec ses capacités répressives pour tenir le pays, soit les donations régulières, si vous voulez, qu'on va faire sur tous les groupes salafistes un peu partout sur la planète. Et on est dans cette situation extraordinaire aujourd'hui, où vous avez le Qatar qui accuse l'Arabie Saoudite de financer l'islamisme, et le Qatar qui accuse l'Arabie Saoudite de financer l'islamisme. Alors, je veux dire, il faudrait peut-être à un moment recaler, si vous voulez, nos logiciels, parce que, encore une fois, c'est une guerre entre frères musulmans et salafistes djihadistes, dans lesquels vous dites, mais ça va finir par exploser, surtout sur les géniteurs. Ouais. Nous, on en subit les effets indirects. Mais à force de s'en mêler, on a des campagnes terroristes ici. Alors, toute dernière chose, il nous reste 45 secondes. Est-ce que l'Occident a plus intérêt à faire chemin avec l'Iran ou avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on se trompe pas d'allier, notamment Trump, en repoussant l'Iran? Ben écoutez, moi je renverserai votre question. Est-ce qu'il faut penser les États-Unis comme un allié aujourd'hui? Oui, on peut le voir comme ça aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est obligé non pas de décider de notre diplomatie, mais de savoir si les sanctions américaines ne vont pas tomber sur nos entreprises parce que on aurait changé de diplomatie. Donc le véritable problème, encore une fois, c'est ça la question de la réflexion stratégique. C'est continuer à penser dans des cadres anciens, ça vous oblige à formuler des réponses qui sont incomplètes. Oui. Or aujourd'hui, on se rend bien compte, on l'a vu avec décision de justice touchant la société générale, etc., qu'on a une justice qui se donne un pouvoir extraterritorial, et donc où est la véritable menace? Voilà, donc c'était une autre piste pour une autre émission. On ne peut pas y répondre en une minute. En tout cas, merci infiniment, Pierre Conézard, merci pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Micmac à la Mecque, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, puisque nous sommes jeudi. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Adrien Carra, Jean Bulot, Guillaume Malandras. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet. Hélène Bizio à la technique aujourd'hui, Patrick Henry.